soir je m'ennuyais, je voulais voir du monde. Alors j'ai pris le métro 7 direction Bastille, à rue de la Roquette, j'ai vu un resto. Un resto japonais avec des sushis. Après bien bouffé, je suis ressorti. Je suis allé à Cash Express m'acheter une guitare. Comme il n'y en avait plus, je suis ressorti. Direction rue Keller pour chercher des mangas. Il y avait des mecs et des nanas, des homos, des piques, des bottes et des gars de la voirie Paris. Paris, Paris, Paris, Paris. Ok, il est nasaï. C'est beau, oui, Paris la nuit. Y'a pour Moon Guardian, ils ne sortent plus. Comment je vais faire pour comprendre la suite? J'ai déjà l'intégrale, mais seulement en version originale sous-titrée mandarin. Y'avait des mecs et des nanas, des hommes, des flics, des gosses et des gars de la voirie à Paris. Paris, Paris, Paris, Paris. Ok, il y a ça. C'est beau, oui, Paris la nuit. Alors je suis allé à Atomic Club, voir s'il n'y avait pas des trucs inédits. Je pus m'en sortir avec un poster, avec les persos de Flyers en version disco. Y'avait des mecs et des nanas, des hommes, des flics, des gosses et des gars de la voirie à Paris. Paris, Paris, Paris. Y'avait aussi des épiciers, des caïras, des lesbos, des asias, des furies, oh oui, à Paris. Paris, Paris, Paris. Ok, il y a ça. C'est beau, oui, Paris la nuit. Malheureusement, faut que je parte. Le métro, ça ferme à minuit. Pikachu. Only Pikachu. Pikachu. My Pikachu. Pikachu. My Pikachu. Pikachu. Pikachu. Paris. Paris. Paris. Paris. Paris. Paris. Paris.